Exercice 12, page 61. Je voulais juste savoir si vous avez eu une discussion avec Simon Barrault un peu avant la mort de Rose. La dernière fois qu'il m'a parlé, c'est pour me crier dessus pendant le tournage. Il voulait que je parte. Et vous vous souvenez de quelque chose d'étrange pendant les répétitions du film ?